oui, pour jamais, chanson d'image de la volage que j'adorais. Oh, la fidèle cache nos pleurs. Légère, elle me plaît.